avion. Qu'est le gars, qu'est de gars. Je vole, je cours, et c'est toujours comme ça. J'ai tout le temps, des temps en retard, en retard. J'arrive à l'heure, mais on m'attend ailleurs, ou plus tard, ou plus tard. 100 000 secondes et pas une seule vraiment. Vieille histoire, je n'ai pas trouvé d'accord.